Bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, le 20 juin, bienvenue à LLB, la lecture de la Bible. C'est Maxime Leblanc qui est au micro. Je vous rappelle que je vous parle depuis nos studios du ministère Cœur d'encre sur la côte de Beaupré, dans la région de Québec. Et il me fait plaisir de pouvoir être avec vous pour faire cette lecture encore ce matin, alors que nous continuons notre trajet d'un an à travers la Bible et nous lisons ce matin dans la version français courant. Et nous commençons un nouveau livre, donc 2 Rois, et nous lirons ce matin chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 2, le verset 25. Après la mort du roi Achab, les Moabites se révoltèrent contre la domination d'Israël. Un jour, le roi Ahazia, qui se trouvait dans une chambre à l'étage supérieur de son palais de Samarie, tomba de la fenêtre et se blessa gravement. Alors, il envoya des messagers consulter Baal-Zébub, le dieu de la ville d'Écron, pour savoir s'il se rétablirait après cet accident. Mais un ange du Seigneur vint dire à Élie de Tishbé, « Va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, « N'y a-t-il pas de dieu en Israël? Pourquoi donc allez-vous consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron? » Et tu ajouteras, « Voici ce que le Seigneur déclare au roi d'Israël. Tu ne quitteras plus le lit où tu es couché. Tu vas mourir. » Élie fit ce que le Seigneur lui avait commandé. Aussitôt, les messagers retournèrent auprès du roi qui leur demanda, « Pourquoi donc êtes-vous revenus? » « Un homme s'est approché de nous, » répondirent-ils. « Il nous a ordonné de retourner vers toi et de te dire, « Voici ce que déclare le Seigneur. » N'y a-t-il pas de Dieu en Israël? Pourquoi donc envoies-tu des messagers consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron? À cause de cela, tu ne quitteras plus le lit où tu es couché. Tu vas mourir. » Le roi leur demanda, « Comment était l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a transmis ce message? » Ils répondirent, « Il portait un vêtement fait de poils de chameau avec une ceinture autour de la taille. » Le roi s'écria, « C'est Élie de Tishbé. » Le roi envoya un officier avec une troupe de 50 soldats pour arrêter Élie. Ceux-ci montèrent vers le sommet d'une montagne où Élie était assis. L'officier lui dit, « Prophète de Dieu, descends, c'est un ordre du roi. » Élie lui répondit, « Puisque je suis prophète de Dieu, j'ordonne qu'un feu descende du ciel et vous extermine, toi et tes 50 hommes. » Aussitôt, un feu descendit du ciel et extermina l'officier et ses 50 soldats. Le roi envoya un autre officier avec 50 soldats également auprès d'Élie. L'officier dit à Élie, « Prophète de Dieu, dépêche-toi de descendre, c'est un ordre du roi. » Élie répondit, « Puisque je suis prophète de Dieu, j'ordonne qu'un feu descende du ciel et vous extermine, toi et tes 50 hommes. » Aussitôt, un feu envoyé par Dieu descendit du ciel et extermina l'officier et ses 50 soldats. Une troisième fois, le roi envoya un officier avec 50 soldats. Ils montèrent sur la montagne. Lorsqu'ils furent en vue d'Élie, l'officier se mit à genoux et le supplia en ces termes, « Prophète de Dieu, épargne ma vie et celle de mes 50 hommes. Je sais qu'un feu est descendu du ciel et a exterminé les deux premiers officiers et leurs hommes. Mais je t'en supplie, épargne ma vie. » Un ange du Seigneur dit alors à Élie, « Descends avec lui, sans crainte. » Élie descendit donc avec l'officier vers le roi et lui dit, « Voici ce que déclare le Seigneur. » Puisque tu as envoyé des messagers consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas de dieu qu'on puisse consulter en Israël, eh bien tu ne quitteras plus le lit où tu es couché. Tu vas mourir. » Ahazia mourut en effet, conformément au message du Seigneur transmis par Élie. Il n'avait pas de fils, ce fut donc son frère Joram qui lui succéda pendant la deuxième année du règne de Joram, fils de Josaphat et roi de Juda. Tout le reste de l'histoire d'Ahazia est contenu dans le livre intitulé « Actes des rois d'Israël ». Voici comment, un jour, le Seigneur enleva Élie au ciel, dans un tourbillon de vent. Élie et Élisée avaient quitté le Gilgal et marchaient ensemble. En cours de route, Élie dit à Élisée, « Reste ici, le Seigneur m'envoie à Bethel. » Mais Élisée lui répondit, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Bethel. Les membres du groupe de prophètes qui habitaient Bethel demandèrent à Élisée, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel? » « Oui, je le sais aussi, » répondit Élisée, « mais ne me parlez pas de cela. » Élie dit de nouveau à Élisée, « Reste ici, Élisée, le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Mais Élisée lui répondit, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Jéricho. Les membres du groupe de prophètes qui habitaient Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui demandèrent, « Sais-tu qu'aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel? » « Oui, je le sais aussi, » répondit Élisée. « Mais ne me parlez pas de cela. » Élie dit encore à Élisée, « Reste ici, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. » Mais Élisée lui répondit, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se mirent donc en route, ensemble. Une cinquantaine de prophètes les suivirent. Toutefois, ils restèrent à une certaine distance d'Élie et d'Élisée, qui se tenait sur la rive du Jourdain. Élie ôta son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve. L'eau s'écarta de part et d'autre et ils purent tous deux traverser à pied sec. Quand ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi, avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit prophétique. »« Tu demandes une chose difficile à obtenir, » reprit Élie. « Toutefois, si tu me vois au moment où le Seigneur m'enlèvera d'auprès de toi, c'est que ta demande se réalisera. Si tu ne me vois pas, c'est qu'elle ne se réalisera pas. » Pendant qu'ils marchaient et s'entretenaient, un char étincelant tiré par des chevaux éclatant de lumière les sépara. Et aussitôt, Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. Lorsque Élisée vit cela, il se mit à crier, « Mon père, mon père! Tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël! » Quand il ne vit plus Élie, il déchira ses vêtements en deux. Ensuite, il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber de ses épaules et il retourna sur la rive du Jourdain où il s'arrêta. Il prit ce manteau et frappa l'eau du fleuve en s'écriant, « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Oui, où est-il? » Il frappa donc l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, et il put passer. Les membres du groupe de prophètes de Jéricho virent à distance ce qu'avait fait Élisée, et ils se dirent, « L'esprit prophétique qui animait Élie anime maintenant Élisée. » Ils vinrent à la rencontre d'Élisée, s'inclinèrent jusqu'à terre devant lui et lui dirent, « Vois-tu, nous avons avec nous 50 hommes courageux. Nous allons les envoyer rechercher ton maître, car l'Esprit du Seigneur, après l'avoir enlevé, l'a peut-être jeté sur une montagne ou dans une vallée. » Mais Élisée leur dit de ne pas les envoyer. Cependant, ils insistèrent tellement qu'Élisée finit par accepter. Ils envoyèrent donc leurs 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours sans le trouver. Quand ils revinrent, Élisée, qui était encore à Jéricho, leur déclara, « Je vous avais bien dit de ne pas y aller. » Les habitants de Jéricho dirent à Élisée, « Comme tu peux le voir, mon Seigneur, notre ville est bien située, mais l'eau est malsaine et la terre ne produit rien. Apportez-moi du sel dans une écuelle neuve, » dit Élisée. Ils lui en apportèrent. Élisée se rendit alors à la source et jeta le sel dans l'eau en disant, « Voici ce que déclare le Seigneur. J'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort des êtres vivants, ni la stérilité de la terre. En effet, l'eau devint saine, et elle l'est encore aujourd'hui, conformément à ce qu'Élisée avait annoncé. » De Jéricho, Élisée partit pour Bethel. En cours de route, des gamins venus de la ville se moquèrent de lui en criant, « Monte, le tondu! Monte! Le tondu !» Il se retourna, les regarda avec sévérité et les maudit au nom du Seigneur. Alors, deux ours sortirent de la forêt et mirent en pièces 42 de ses enfants. Ensuite, Élisée se rendit au mont Carmel, puis du Carmel, il revint à Samarie. Nous enchaînons avec la lecture du psaume 138, du recueil de David. Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur. Devant les puissances du ciel, je veux te célébrer par mes chants et m'incliner face à ton sanctuaire. Ô Dieu qui es présent, je veux te louer pour ta fidèle bonté, car tu as fait plus que tenir ta promesse, plus que l'on attendait de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, que tous les rois de la terre te louent quand ils auront entendu ce que tu dis. Qu'ils célèbrent tes actions en chantant. La gloire du Seigneur est immense. Le Seigneur a beau être là-haut, il voit les humbles de loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je dois vivre au cœur de la détresse, tu me maintiendras en vie. Malgré la colère de mes ennemis, tu avanceras la main, ta main droite me sauvera. Seigneur, tu feras cela pour moi, toi dont l'amour n'a pas de fin. N'abandonne pas maintenant ceux que tu as créés de tes propres mains. Proverbe chapitre 17, les versets 3 et 4. L'or et l'argent sont testés par le feu, et c'est le Seigneur qui éprouve la valeur des hommes. L'homme mal intentionné prête l'oreille aux paroles malveillantes, et le menteur écoute les mauvaises langues. Nous terminons la lecture d'aujourd'hui avec Romains chapitre 14, les versets 1 à 23. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans critiquer ses opinions. Par exemple, l'un croit pouvoir manger de tout, tandis que l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Celui qui mange de tout ne doit pas mépriser celui qui ne mange pas de viande, et celui qui ne mange pas de viande ne doit pas juger celui qui mange de tout, car Dieu l'a accueilli, lui aussi. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il demeure ferme dans son service ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Et il demeurera ferme car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir. Pour l'un, certains jours ont plus d'importance que d'autres, tandis que pour l'autre, ils sont tous pareils. Il faut que chacun soit bien convaincu de ce qu'il pense. Celui qui attribue de l'importance à un jour particulier le fait pour honorer le Seigneur. Celui qui mange de tout le fait également pour honorer le Seigneur, car il remercie Dieu pour son repas. Celui qui ne mange pas de tout le fait pour honorer le Seigneur et lui aussi remercie Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. Car l'Écriture déclare, « Moi, le Seigneur vivant, je l'affirme, tous les humains se mettront à genoux devant moi et tous célébreront la gloire de Dieu. » Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Appliquez-vous bien plutôt à ne rien faire qui amène votre frère à trébucher ou à tomber dans l'erreur. Par le Seigneur Jésus, je sais de façon tout à fait certaine que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, elle le devient pour lui. Si tu fais de la peine à ton frère à cause de ce que tu manges, tu ne te conduis plus selon l'amour. Ne va pas entraîner la perte de celui pour qui le Christ est mort, simplement pour une question de nourriture. Ce qui est bien pour vous ne doit pas devenir pour d'autres une occasion de critiquer. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et nous permet de progresser ensemble dans la foi. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question de nourriture. Certes, tout aliment peut être mangé, mais il est mal de manger quelque chose si l'on fait ainsi tomber un frère dans l'erreur. Ce qui est bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de renoncer à tout ce qui peut faire tomber ton frère. Ta conviction personnelle à ce sujet, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se sent pas coupable dans ses choix, mais celui qui a mauvaise conscience en consommant un aliment est condamné par Dieu parce qu'il n'agit pas selon une conviction fondée sur la foi. Et tout acte qui n'est pas fondé sur la foi est péché. Nous voulons terminer par la prière. Seigneur Dieu vivant, éternel Dieu, toi dont la gloire est immense, toi Seigneur dont l'amour n'a pas de fin. Oui, notre grand Dieu, nous venons devant toi. Ce matin, nous voulons te louer pour ta fidèle bonté. Te louer parce que tu fais plus que tenir tes promesses. Tu fais plus que ce qu'on peut attendre de toi. On veut te louer, te célébrer, Seigneur, parce que tu nous remplis de courage et de force, jour après jour. Seigneur, on veut reconnaître nos péchés devant toi. On veut reconnaître que nos cœurs sont orgueilleux. Et on te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous jugeons les autres. Pardonne-nous de mépriser les autres. Seigneur, tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, tu les vois. Et on te confesse ces péchés ce matin. Seigneur, merci parce que Jésus est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Merci Seigneur parce que soit que nous mourions, soit que nous vivions, nous savons que nous t'appartenons. Nous sommes à toi. Mais Seigneur, c'est toi qui éprouves la valeur des hommes. C'est toi qui connais le cœur. Et je te prie que plutôt que d'être rempli d'un esprit de jugement envers les autres, on puisse être rempli d'amour pour les autres, qu'on puisse cesser de juger et qu'on cherche plutôt à éviter d'amener nos frères à trébucher ou à tomber dans l'erreur. Seigneur, aide-nous à renoncer à tout ce qui peut faire tomber un frère ou une sœur en Christ. Et Seigneur, aide-nous à agir par nos convictions fondées sur la foi. Et qu'on cherche à toujours mieux te connaître, à toujours mieux connaître ta parole, afin d'agir d'une façon qui te plaît, Seigneur. Oui, aide-nous par ton esprit à marcher humblement à ta suite, fidèlement, les yeux fixés sur toi, Seigneur, en toutes choses. C'est ma prière ce matin et je te confie cette journée. Je te prie que tu la bénisses, que tu sois avec chaque personne qui nous écoute ce matin, puis que tu puisses, Seigneur, être glorifié encore aujourd'hui à travers nous, tes enfants. Amen.